Vendredi 9 juin 2017. Monte le volume et une la différence. C'est parti. Mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Oui! Oui! Comment on dit... comment il dit ça, lui? Le magicien du surréalisme, l'homme... le farfadet le plus imprévisible dans le circuit médiatique actuel, c'est moi. Il faut être prétentieux. Quand même, ça fait peur. Mais ce qui fait peur aussi, c'est les préjugés. Ce qui fait peur, pour certains, c'est le côté kitsch. Ah, oh, moi, je suis pas kitsch, oui. Ah, oui, oui. Et je voudrais dépoussiérer, redonner fière allure à un artiste qui, au Québec, doit passer pour un vieux jeu. Vieux jeu, très vieux jeu. Il est décédé. Oh! Est-ce que c'est après ça qu'on devient vieux jeu? Oh! Non, parce qu'on devient plus vieux. On est mort. On est plus vieux, là. Ah! Le temps, ben, on peut... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Avec l'histoire, ce qu'on relate concernant les gens qui sont morts, ben tout ça peut devenir un peu lourd à porter ou à dire ou à lire. Mais dans le cas de mon artiste que je veux vous présenter, mais c'est pas celui que j'ai rencontré en 2016, le 9 ans, il est très vivant. Plus vivant que vivant dans la création la plus jouissive. Mais on va attendre quelques minutes si ça ne vous dérange pas. Puis j'aimerais vous faire partager et surtout rendre à César ce qui est à César et rendre à Michel Delpech ce qui est à Michel Delpech ou Delpech. Allez, un chanteur, compositeur, interprète. Première chanson qu'il a faite en disque. Première, la toute première. Ça ressemblait à ça, puis c'est du yéyé, bien, 66. Une mini-jupe de votre courage. Yeah. Un bidonville et de Mireille. Yeah. Une nouvelle piaf, un petit oiseau de toutes les couleurs. Yeah. Une nouvelle dark qui brûle les planches. Yeah. Une religieuse, un cacharel, yeah, yeah. Des cheveux longs, des idées courtes, yeah, yeah. Un vieux Paris, un Paris 2, yeah, yeah. Des paravents à l'Odéon, un palmarès de la chanson est toujours le même président. Il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose. Et tu as peint pour moi cette année tout en rose. Toi, oui, toi. Une guerre au Vietnam, un mariage en Hollande. Pour bientôt un petit smet et la mort d'un poète. Caméra sur la lune, un drugstore opéra. Des chemises à fleurs, un étrangleur, yeah, yeah. Une bombe dans la mer, opération Tanner, yeah, yeah. Juanita Banana, un four à l'opéra, yeah, yeah. Un homme et une femme au festival de Cannes, yeah, yeah. Un tabarin au moins, un palladium en bus. Et toujours le même président. qu'il y a eu tout ça. Et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose. Et tu as peint pour moi cette année tout en rose. Toi, oui toi, mon petit raton laveur. Hey, on a super, on a volé au-dessus des années 66. Inventaire 66. Titre de la chanson de mon ami Michel Delpech. Intéressant. On a touché au cinéma, à la littérature, à l'actualité de l'époque, avec une musique de l'époque. Et maintenant, un titre. On fera pas deux heures, ne vous en faites pas avec Michel Delpech, mais j'ai mis la main là-dessus et je m'en réjouis, puis je veux vous en faire partager quelques brides. Un titre intéressant. En fait, je me fie juste sur le titre pour vous le faire jouer. L'album de Delpech, toujours, s'appelle Album Delpech. Et le titre de la première chanson s'appelle Album. Pas mal intéressant. Voici mon album, mon curriculum, mon mémorandum. Voici mon album, voici le sérum de ma vérité. Voici mon album, mon ultimatum, est-ce en post-scriptum? Voici mon album, voici mon opium et ma vérité. Voici mon album, et pas mon passum, ni mon muséum. Voici mon album, juste un premier tome de ma vérité. Voici mon album, mon postulatum, mon capharnaüm. Voici mon album, voici mon factum et ma vérité. niveau musical, c'est très intéressant. Au niveau de la compo, ben c'est rimette sur rimette. Mais Michel Delpech a aussi des tubes. Là, j'arrête là-dessus après, je vous le jure. Beaucoup de tubes. Si j'en fais pas jouer un, vous allez être attristé parce que vous ne pourrez pas vous référer au succès en disant « Ah, c'est lui! » Eh oui. C'est lui. Nous n'habitons pas ensemble. C'est plus drôle et c'est la fête quand on se voit. Tu peux faire ton ménage, traîner dans tes vieux chaussons, je ne suis pas là. Ta baignoire est toujours libre, tu peux rester dans ton bain le temps qu'il te faut. Si le soir on dort ensemble, forcément tu ne me tournes jamais le dos. Nous n'habitons pas ensemble, mais c'est beaucoup mieux. Même s'il arrive quelquefois qu'on le regrette un peu. Un beau jour on finirait par s'arracher les yeux. Toi et moi ça ne ferait pas long feu. Nous n'habitons pas ensemble, et je rentre quand je rentre, tu n'attends pas. Quand j'ai des copains qui viennent, si tu ne les aimes pas, tu restes chez toi. La vaisselle s'accumule, je la fais quand je ne peux plus faire autrement. Quand c'est toi qui me réveilles, tu te glisses dans mon lit juste en arrivant. Nous n'habitons pas ensemble, mais c'est beaucoup mieux. Même s'il arrive quelquefois qu'on le regrette un peu. Un beau jour on finirait par s'arracher les yeux. Toi et moi ça ne ferait pas long feu. Oh oh. Ça ferait comme tant d'autres. On en aurait marre au bout de quelques années. On saurait tout l'un de l'autre. On n'aurait plus jamais rien à se raconter. Nous n'habitons pas ensemble, mais c'est beaucoup mieux. Même s'il arrive quelquefois qu'on le regrette un peu. Un beau jour on finirait par s'arracher les yeux. Toi et moi ça ne ferait pas long feu. Nous n'habitons pas ensemble, nous n'habitons pas ensemble, nous n'habitons pas ensemble, nous n'habitons pas ensemble, nous n'habitons pas ensemble, nous n'habitons pas ensemble, nous. Et c'est ça. Mais c'est beaucoup plus de tout. Mais on s'arrête là. Parce qu'on pourrait consacrer 24 heures sur Delpech. Un homme très intéressant, mais malheureusement, je sais pas, il reste autour de lui une sorte d'énergie malsaine, serait exagéré, mais une énergie étrange qui ne correspond pas du tout au personnage qui avait une main d'écriture, il y avait deux mains. Il remettait jamais à demain, lui. Il avait deux mains, mais c'était pour l'immédiateté. Ses compositions sont tout à fait intéressantes. Actuelles. Accrochées au monde de l'époque dans lequel il s'immisçait. Hey, j'ai vu le serpent arriver, moi. Là. Ça, c'est un texte écrit au mois de mars de cette année, le 18 mars, c'est un samedi. Je me souviens, malgré le travestissement du quotidien, l'hypocrisie de l'existence, la fabulation du temps,

Gérard Jugnot. Extraordinaire. Un film qui raconte l'histoire du bonhomme qui faisait des émissions de radio, un quiz radiophonique en tournée. C'est vrai, en grande partie, c'est inspiré de ça. Mais c'est vrai, c'est inspiré de ça. Et c'est tellement bon. La trame sonore, sublime. Grand, grand réalisateur, Patrice Lhocq. Malheureusement, je l'ai perdu en chemin. Pas l'idée, mais Patrice Lhocq, il y a des choses que je ne suis plus de près comme avant. Et ça, ça en fait partie. Il faudrait que je m'y active. Là. On dirait que depuis quelques années, là, j'ai perdu un peu là. Le sens de l'humour. Pour le sens des affaires, je m'en souviens et j'en suis fier. Je n'ai qu'un seul regret. Je ne connais plus vraiment la filmographie de Patrice Lhocq. Mais qu'est-ce que tu veux, mon con? Dans la vie, on fait ce qu'on veut. Mais à un moment donné, on ne veut plus. On ne veut plus la curiosité. Non, c'est vrai. Pourquoi on ne veut plus la curiosité? Non, mais dans mon cas, là, pas vous, madame, là, mademoiselle. Vous êtes à la recherche, vous. Vous êtes constamment Oui, exactement. Exactement. Vous êtes là, présente, vivante, vivace. Vivace, est-ce que ça va uniquement aux plantes? Ça se sacrifie? Non, pas. Non, non, non. On peut dire que l'herbe est aussi vivace que le soleil. Ouais, mais le soleil n'est pas vivace. Le soleil rayonne, mais... hey, toi, là! Va te dire une affaire. Pour endormir un peuple, t'es numéro un. Mais oui, mais attendez. Avant de me raccrocher la ligne au nez, M. Thibodeau. On a-tu M. Thibodeau? Hein? On en parle souvent, M. Thibodeau. L'avons-vous déjà entendu? Pardon? L'avons-nous déjà entendu? Oh, OK, t'avais mis la cassette en... Mais c'est parce que le ruban, là... Est-ce que vous vous rappelez le ruban? Oups! Hey, la cassette, elle est tombée. Oui, c'est ça, les cassettes 4 tracks. Il y avait des 8 tracks, les grosses 8 tracks, mais les 4 tracks. Lorsque le ruban était chiffonné, qu'est-ce que ça faisait? Ah, ça. Puis au début de chaque album, là, lorsqu'on achetait des cassettes, ça faisait... Il faudrait que je retrouve ça. Ça serait bon de mettre ça au générique. Puis là, j'ai un ami italien. Je suis italien et je le reste dans le vin et dans le geste. Qui m'a préparé une petite introduction de 35 secondes. Il s'est acheté un clavier. Il a bisouné des trucs sur son clavier. Il a sorti des sons. Puis il a dit, hey, j'ai pensé à ton émission Errance Rinaldienne. J'ai été touché. Chanteur, musicien. Là, t'aimerais-tu dire... Ouais, t'aimerais que je te nomme son nom. Imagine-toi, j'ai pris beaucoup de problèmes. Juno, ça m'a pris quoi? Des années de recherche. Puis comme j'ai des hamsters qui, heureusement, roulent sur la roue, j'ai pu arriver à un résultat et à une vision de Gérard Juno. Mais là, mon ami chanteur, la semaine prochaine, je vais vous en parler. Sans faute, je vous le jure. Je vous le jure, je passe en note. Hey, t'as-tu un crayon? Ben oui. Je vais t'indiquer chanteur que j'ai déjà rencontré lors du Radioton avec le batteur. Je me souviens même plus du nom du batteur. Bon. Chanteur, batteur. 350 au four avec des oignons français. Oignons français ou oignons canadiens caramélisés? Moi, je vous conseille, ce qui est meilleur, là, c'est les oignons québécois. Ah, mon... Hey, tes épluches, pis tu pleures pas. Tu ris. Ils sont tellement drôles. Hey, puis tu dis, quand tes épluches, hey, c'est juste pour rire. Juste pour rire, pour les gens qui connaissent un peu, là. Heureusement qu'il n'y a pas juste pour rire. Ça a comme monopolisé l'humour, ça, hein, juste pour rire. Il y a juste une sorte, là. Il y a comme une ligne médiane. Si tu fais pas partie de juste pour rire, t'es pas drôle. T'es pas drôle ou t'es bizarre. Quoique, il y a eu quelques bizarres dans Juste pour rire. Mais il faut arrêter de faire des maisons-mères pour n'importe quoi, là. Pour n'importe quelle situation. Maison-mère du journalisme, maison-mère de l'humour, maison mère du 7e art, maison mère de la musique classique, maison mère de la musique rock and roll. Aimez-vous ça quand je dis rock and roll? C'est beaucoup de pratique à la maison. Musique mère du jazz. Mais non! Mais non! Ouvrons les portes! Ouvrons les portes! Et laissons glisser tout ça pour en arriver à une sorte de confiture créatrice. Ça donne une faim. Hein? Une confiture d'expression. Une confiture de création. Cessons! Oh mon Dieu, il monte des barricades. Non, moi, je monte jusqu'au 6e ciel. Parce que le 7e, c'est quand tu redescends. Comment ça, ça descend? Dans mon oreille? Non, c'est juste dans ton oreille, ça a bouché. Ça a bouché parce que plus tu dis d'idiotie, plus il y a des couches d'idiotie dans tes oreilles. Donc, depuis 41 minutes, là, wow, la couche est pleine. Oh, oh, oh, on la change-tu? Non. On la change pas, mais on va se libérer à travers la musique, à travers les mots, à travers le rire. Écoutez bien le rire de mon ami. Ben, elle n'est pas là, là. Je me tourne simplement pour vous raconter qu'aujourd'hui, le vendredi 9 juin 2017, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée là, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Et monsieur. C'est rendu que les entrepreneurs font la baboune. On a perdu de l'argent. Hey, on est dans la restauration, on a perdu de l'argent. Ben oui, mais lance-toi dans la coiffure, t'en perdras pas d'argent. Il y a un client, tu coupes les cheveux, tu fais de l'argent. C'est bien certain que si tu t'ouvres un restaurant, mon petit champion, tu vas avoir des pertes. Parce que c'est des denrées périssables. Puis en plus, avec ton cheveu que tu vas couper, là, tu peux revendre ça pour faire des perruques. Tu bains, hein? Tu bénéficies d'un bonus. Les plus rusés, là, les autres, ben, on va jeter ça. Hey, tu jettes des cheveux. Puis si tu deviens le coiffeur des stars, tu peux vendre le poil de ton artiste. Tu mets ça dans des petits sacs. Tu refermes ça pour couper l'oxygène. Là. Tu prends ta paille pour enlever toute l'air. Là. Puis tu prends 3-4 cheveux. Mais c'est pas grave. Hey, c'est les cheveux de Sophie Marceau. Oh. Mais elle se fait pas couper les cheveux complètement. Elle, c'est les mèches. Alors, tu as les mèches de Sophie Marceau. Oh. Depuis le début, là, qu'elle est connue. Alors, tu as le petit sachet de la boum. Boum 2, l'étudiante. Hey, là, les gens vont dire, ils connaissent toute la biographie de Sophie Marceau. Ben oui. J'ai bien le doigt, moi. J'ai le droit. Est-elle encore? Hey, là, on va faire des enfants du parlant. On va parler d'artistes un peu comme des revues à potins, là. Est-elle encore avec le chanteur, comédien, là, avec le Cyrano contemporain? Lambert Wilson? Pourquoi tu dis Cyrano? Ben, tout simplement parce que il a le nez gainsbourgeois et je trouve ça intéressant. Il se démarque, ce gars-là. Puis il a une voix radiophonique. J'espère qu'un jour, en fin de carrière, là, je sais pas, s'il n'y a pas d'appel réalisateur. Et monsieur, c'est qui ça? C'est des gens qui réalisent, hein? Ou des scénaristes. Quand il n'y a plus rien, quand le téléphone ne sonne plus, on dit ça, les comédiennes, les comédiens. Le téléphone ne sonne plus. Mais quand ça ne sonne plus, Lambert, tu t'es proposé à la musique, c'était incroyable, intéressant. Pas incroyable, mais intéressant. On va se limiter un peu. Mais là, fais de la radio. Avec une voix comme ça, j'écouterais du Lambert Wilson. Lambert Nelson. Non, ça c'est Melody Nelson. C'est Lambert Wilson. Voyons donc. Tu t'appelles comment? Melody. Ouais, mais Melody, c'est pas une fille. Oh, excuse-moi. On va recommencer. Tu t'appelles comment? Melody. Mélodie comment? Mélodie Wilson. OK. Ça donne, hein? Ça donne une trajectoire haute que... Tu t'appelles comment? Mélodie. Mélodie comment? Mélodie Nelson. Version québécoise. Hein? Version du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hey, tu savais comment? Hey! Mais non, c'est pas gentil. Non, non, non, je veux pas. Non, non, non, non. Vous êtes mes amis, on vous aime. Il y a beaucoup d'expatriés là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'Abitibi, du Népal, du Nebraska, qui viennent à Québec travailler. Bon, on vous aime, on vous embrasse. On vous imitera pas, là. Mélodie Nelson, à la japonaise. Tu t'appelles comment? Yanni. Comment? C'est une blague, c'est une blague. Bon, je vais arrêter là. Renaud Bernal, mon invité pour cette semaine et la semaine prochaine. Premier opus, aujourd'hui, donc j'ouvre. C'était bon, hein? J'ouvre, c'est super. C'est super! Mais là, mon invité, moi, il est super également. Imaginez-vous que je l'ai rencontré lorsqu'il a terminé. Au moment où il a terminé. Il avait son disque sous le bras et la baguette sous l'autre. C'est un Français. Ah, les préjugés. Et non, mais son album qui s'appelle Au fil du temps. Oh, tu te rappelles même pas du titre? Au fil. Mais si vous m'attendez quelques secondes, je vais vous le balancer. Oh, ben on n'a pas le temps. Ben oui. On va y faire jouer quelque chose, là. On va regarder qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, le mec? Ben, il se souvient plus du titre au fil. Mais il sait que c'est le fil. Ben, déjà là, il y a le fil conducteur. Bon, une petite chanson pour nous rafraîchir, pour nous mettre dedans. Hein? On va se mettre dedans. OK, dedans. Ben, dedans l'émission. Ben, on est déjà dedans. Il était 47. Moi, j'ai commencé à être dedans avant le générique. Là. Ton oreille à soif m'a préparé à me placer dedans. Là, je suis plus dedans. Moi, je suis presque rendu dans le noyau. Ben oui, lâche le noyau. Puis on y va avec une courte chanson. Courte, tellement courte. Là. 23 secondes. Là, je vais courir comme un malade. La chanson. Le rêve du diable. Extrait du disque Délire et des réels. Réels, parle-moi. Non. Délire et des réels. C'est pas réel, c'est des... Oh. Délire et des rilles. Des rilles, des danses carrées. OK, on y va. La chatte. Que le diable emporte la chatte, c'est pour bidou. Sautons la roudrigoille, dansons la rémaillou. Et puis, papanturlure, ça commence à avoir de l'allure. Puis on va déménager cette année. Dis-moi donc ce qu'on va aller rester. Passe-moi dans le torchon de plancher. Pour essuyer mes larmes. Hey, je l'ai pas trouvé. C'est épouvantable. En tout cas, le fil... Excuse-moi. Renaud, pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je fais. Ça, il sait depuis le début. Il te prend pitié, il vient te rencontrer à chaque année. Puis tu lui parles, au moins, il peut raconter sa vie, il peut raconter son cheminement, il peut raconter sa musique, il peut raconter sa création. C'est au moins, t'es là au moins pour ça. Sinon, le reste, là, wow, ça laisse à désirer. Oui, mais est-ce que tu savais, attends un peu, toi, avant de me lancer là-dessus, là, est-ce que tu savais que Renaud Bernal a participé l'année dernière à deux rencontres de bancs publics? Qu'est-ce que c'est, les bancs publics? Ben, qu'est-ce que c'est ça? On va te raconter Qu'est-ce que c'est ça? Puis, Renaud a repris une chanson québécoise, folklorique, typique. Je vous dévoilerai rien. on va lui laisser dire le tout. On n'entendra pas, malheureusement, la dite chanson. Il ne nous la fera pas, malheureusement, au banc public, ni numéro 1, ni numéro 2. Numéro 1, numéro... Ben oui, parce que je l'ai invité deux fois. Il est tellement intéressant que je ne pouvais pas m'arrêter là. Il s'est associé il y a quelques mois, presque un an et quelques, à un autre créateur que j'ai eu la chance de voir, de rencontrer et surtout de discourir avec lui, Boris Bergman. Et c'est grâce à mon ami Renaud Bernal qui m'a mis en communication. Parce que là, qui m'a rentré, ça semble bizarre. Mais non, mais qui m'a rentré. Qui a fait le lien. Bon, OK. Il t'a pas rentré. Ben oui, il en communication. Il t'a rentré en communication. Ah, mon Dieu. Y a-tu beaucoup de monde qui rentre et qui te rentre en communication? Non, ben oui. Les intraterrestres, ils rentrent constamment avec moi là, dans les. Je peux pas trop en parler, là, mais on va y aller avec mon Renaud parce que sinon, on n'aura pas le temps. Après cette courte rencontre de la première partie, nous entendrons des extraits du banc public, des deux bancs publics qu'il nous a... Qu'est-ce que tu voulais dire? Aimablement. Qui nous a eu... Qui. Bon, on y va. Arrête donc, parce que là, quand tu fais qui, là, on sent que la voiture ne part plus. Hein, l'hiver, là, il n'y a pas si longtemps, il y a deux mois, qui, tu rentres ça là-dedans, là, tu rentres la clé dans l'obturateur, dans le quoi? Dans le moteur. On voit bien qu'il n'y a pas de voiture, lui. Dans le commutateur, tiens. Dans le commutateur, oh non, il fait moins 28. Oh non, ça ne sortira pas. C'est pas en condition, cette voiture-là. Mais Renaud Bernal, à n'importe quel moment, sa bagnole quitte sa province pour venir rencontrer l'errant rénaldien. À partir de maintenant, tout ce que vous entendrez est de mon ami Renaud Bernal. Bonne soirée. Elle a fermé la fenêtre, viré l'espace entre elle et moi. Je la respire fière, secrète, son serpent au bout du bras. Me demande ce que je veux, moi bêtement ne réponds pas. M'impressionne, me transperce, son serpent descend très bas. Elle me demande si je le veux. Son regard me tatoue déjà. Se moque, sourit un peu, me dit Blacklight, oui pourquoi pas. Elle broie du bleu, elle broie du noir. Un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu. Un bleu troublant à Quatera. Elle accueille la lumière quand elle s'est penchée vers moi. Ses longs cheveux guérissent ma chair, le fuseau saigne en bleu maya. Je deviens fou face au serpent. Je le défie prêt au combat. Où le cache-t-elle exactement? En terre humide incognita. Elle broie du bleu, elle broie du noir. Un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu. Un bleu troublant à Quatera. Elle broie du bleu, elle broie du noir. Un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu. Un bleu troublant à Quatera. Ferme ma fenêtre. Le bleu. bleu du ciel, je ne l'aime pas. Et me dessine en aquarelle le dernier fils de son cobra. Elle broie du bleu, elle broie du noir, un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu, un bleu troublant aquatera. Elle boit du bleu, elle boit du noir, un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu, un bleu troublant aquatera. Belle météo, hein, pour oui, ouais, ben, chance, hein. C'est quand même assez tard dans mon voyage. La belle, ouais. Le beau soleil est arrivé. Le beau soleil est arrivé à peu près 4-5 jours après moi. Ouais, c'est un peu juste ça. Ah, ouais, mais peu importe les nuages ou le soleil, l'intérêt c'est de rencontrer des gens. Et comment tu trouves Paris alors? Ben, j'y viens chaque année. Ouais, non, mais cette année, moi je le trouve différent Paris. Je trouve que c'est moins confort. Ah ouais. Je trouve que la ville est toujours aussi jolie, si tu veux, mais je trouve que l'atmosphère, je viens pas tous les jours à Paris, mais je viens au moins une fois tous les 10 jours. Et je trouve que c'est de plus en plus agressif, c'est de plus en plus... Ah ouais. Il y a moins de plaisir. Écoute, j'étais à Lille hier, on peut pas la pousser, hein, si tu veux. Non, c'est bon, c'est bon. J'étais à Lille hier, c'est le top, quoi. Au niveau humain, c'est vraiment... Ouais, mais c'est petit aussi, là, c'est pas la grande ville. Oui, mais c'est l'atmosphère humaine, je trouve qu'elle était, elle est quand même différente. Mais il y a moins de risques aussi pour eux qu'ici. Bien sûr. Peut-être que la violence vient du fait qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est clair. Et c'est aussi un peu comme la vie, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Oui, mais c'était, tu vas avoir, toi qui viens par appoint sur Paris, est-ce que tu te retrouves la même atmosphère ouais. Ben, parce que moi, je suis créateur. Et ici, c'est particulier, comme c'est préservé, je trouve. Ouais, c'est le côté bobo, hein. Ouais, pas spécialement, le côté... Le confort et l'indifférence. Ouais, il y a un arrêtant, quand même, aux abeilles. Montmartre, aux abeilles, c'est quand même toujours vachement bien. Ah, ouais, c'est bien. C'est sûr qu'avant, il y a quelques années, je faisais mes rencontres au Charbon, dans le 11e arrondissement, sur le Barcamp. Ouais. Ça peut rien avoir. Ben, c'est très artistique. Ouais. Beaucoup de guitaristes, chanteurs, après 22 heures, tu peux trouver des gens. À l'époque, là, il est décédé, il y avait Daniel Dark qui allait souvent là, il y a encore une faune artistique. Bien sûr. Ouais. C'est le bar qui... Est-ce que tu connais un peu le Charbon? Ouais, je vois. Voilà, c'est ouais. Et j'y allais. Mais à un moment donné, j'ai découvert cet emplacement et surtout... La place, métro, bah ouais, elle est super jolie. Ouais. C'est vraiment appréciable. Bon, c'est appréciable. L'intérêt de se voir maintenant, c'est que l'on s'est vu avant. Oui. Avant, avant-hier. Mais il y a deux ans. C'est ça, exactement. Il n'y a pas eu de perdu, c'est comme l'école de femmes. Tu travaillais avec une compositrice, une créatrice, tout à fait. Moi, Cara. Ah bah ouais, aujourd'hui que tu es dans un autre mode d'écriture avec un autre artiste, comment est le prince? Eh bien en fait, on a commencé... Ça a été très brutal notre arrêt de travail comme quoi les histoires d'amour parfois peuvent finir brutalement et au niveau auteur-compositeur. Du jour au lendemain, elle a décidé d'arrêter de travailler avec moi. Je pense qu'elle a eu d'autres attentes et une orientation différente au niveau de son écriture, si tu veux, parce que tout ce qu'on a pu faire, moi j'ai toujours eu un regard dessus. les mots que j'ai changés, les textes. Bah, je disais, et je pardon. Est-ce que tu lui en parlais? Ah oui, on en parlait toujours si tu veux. Et donc je disais non, là, je suis pas satisfait, il me manque quelque chose. Je voudrais une autre orientation, tel couplet, d'accord, mais là non, ça. Et ce qui fait qu'on a réussi à vraiment construire ensemble nos chansons. Et je pense que avec des objectifs différents, un point de vue différent au bout d'un moment, parce que les choses se tassent, parce qu'une fois que tu fais l'album, c'est bien, mais après tu vas faire essayer de faire un peu de promo, et là le passage de l'auteur, même si tu le mentionnes, passe au second plan, quoi. Parce que les textes c'est une chose, mais au niveau de. Merci. Et au niveau de c'est pas ça qu'on va vouloir, donc c'est des concerts de promo, on va essayer de trouver des concerts, c'est ça. Et donc la phase d'écriture et de réalisation, elle passe au second plan parce que t'es plus là, c'est pas le moment. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a pas été assez, qui a dû être un peu difficile pour elle, dans le sens où ça allait pas assez vite. C'est une fille de l'urgence. Ouais, je pense, ouais. En plus, peut-être qu'une situation qui a aussi amené à vouloir avoir des réponses immédiates en termes de retombées financières, commerciales, artistiques. Et ça gâche rien, ça n'enlève rien à son talent, bien au contraire. Mais voilà, on a fait du jour au lendemain, on a fait un concert qui était très sympa, on fête son anniversaire et puis le lendemain, je ne travaillerai plus jamais avec toi. Voilà. Ah, elle te l'a annoncé. Voilà, par un mail sympathique. Ok. Donc, une rupture assez violente. Assez dévastatrice. Ah oui, complètement, ouais. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce que tu t'es ça fout vachement les boules. Tu sais pas comment, il faut un peu de temps pour encaisser, parce que mine de rien, c'était très douloureux. Ça m'a fait vachement de mal, ce qui était réussi. Je pense que c'était le but et c'était réussi. Tu repars et puis je suis reparti j'ai fait un point sur tout ce que j'avais en matière de chansons. Qu'est-ce que j'avais comme chanson finie, qu'est-ce que non enregistrée avec elle ou sans elle, qu'est-ce que j'avais comme mélodie, qu'est-ce que j'avais comme truc. Et puis je suis reparti en studio et j'ai remonté les titres. Donc, ils ont dit, tiens, on pourrait les personner comme ça, retravailler. Alors, tu as repris. Non, je ne suis pas remarqué. Quand je dis partir en studio, je suis à la maison, si tu veux, avec un home studio confortable. Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai telle mélodie, j'ai telle grille d'accord, telle chanson, telle forme de chanson. Et j'ai commencé à refaire des titres, si tu veux, en me disant. On verra bien. Alors, en minimisant tout à fait l'aspect texte, si tu veux, parce que c'était difficile pour moi de repartir dans l'écriture, après un échange aussi riche. Et tu te dis tout ce que tu fais, c'est automatiquement moins beau, moins bon, moins performant, moins tout, quoi. Mais la partie musique était toujours présente, par contre, donc tu montes les chansons en disant bah, on avance et on verra bien. Mais qu'est-ce qui fait que tu bloques dans l'écriture? Je bloque pas spécialement dans l'écriture, si tu veux. C'est que c'était un travail de collaboration qui a été ensemble, si tu veux, et donc il s'est arrêté du jour au lendemain, donc c'était pas évident de me dire tiens, je me remets à écrire quelque chose. Et dans ma manière de voir la chanson, je suis souvent plus à d'abord faire la musique et après avec une mélodie et après donc ça me donne une image et sur cette image je mets des mots. Mais là j'avoue pas savoir quoi faire, quoi. Je me suis retrouvé vraiment en rupture de ça a été vachement douloureux, très très douloureux pour moi. Et si tu veux, autant on peut des fois utiliser une situation douloureuse pour écrire, ça n'a pas été mon cas du tout. C'est un passage à vide, si tu veux, au niveau de la réalisation finale de chansons. Mais ça n'a pas été un passage à vide, puisque où j'ai rien fait, puisque j'ai retravaillé la musique des chansons. J'ai retravaillé les titres, les intros, les compos, les tempos, tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais pu penser où je n'avais pas le temps. Là, j'ai utilisé ce temps entre guillemets vide pour remettre en place des playbacks. Des playbacks très simples, hein, toujours guitare, parfois un peu de basse, des chorus, mais essentiellement guitare, et une mélodie, un chant yaourt, avec quelques idées en texte français de toute manière, parce qu'il y avait quand même des idées, des photos qui arrivaient au niveau de mélodies, mais en me disant, bon, on verra un peu plus tard, je termine ça, j'avance. Voilà. Au niveau sonore, qu'est-ce qui se dessinait à cette époque-là? Tu as quand même 12 ans, ça fait 12 ans. Au niveau son? Ouais. Au niveau son, comment ça, au niveau... Mais qu'est-ce qui se dégageait? Qu'est-ce que tu sentais poindre? Eh bien, écoute, quelque chose de beaucoup, toujours très... privilégier la source de départ, toujours. De ne pas chercher à arranger, parce que ce n'est pas mon job, je ne suis pas un arrangeur. Et donc de toujours. Tu demandes à papa si, mais on peut pas tout faire. Au bout d'un moment, il y a des gars qui sont vachement malaises pour ça et qui vont avoir une vision complètement différente à laquelle de ce que tu es capable de pouvoir penser, et ils vont pouvoir proposer des choses. C'est parce qu'eux sont pas collés à l'œuvre. Eh ben oui, voilà, tout à fait. Et ça, c'est vraiment agréable. Donc autant d'ailleurs, toutes les nouvelles chansons, je pense qu'elles auront besoin d'une visite chez un arrangeur pour avoir une force supplémentaire. Quoi que un spectacle. Eh bien aujourd'hui en spectacle, on n'a pas. On les joue si tu veux, on les a travaillés, on a travaillé toutes nouvelles chansons, on a tout travaillé en studio de répétition, en disant on fait tourner comme ça, telle ambiance. Surtout à chercher la partie batterie, parce que c'est la partie batterie qui donne quelque chose de la richesse du titre. J'aime une fille qui parle jamais. Qui répond pas. J'aime une fille froide qui a aimé une ou deux fois. J'entends qu'elle dort, j'écoute très fort. C'est comme un cri qui ne sort pas. Au souffle chaud, tout comme ma peau. Mais je m'en fous. Elle n'aime que moi, c'est con à dire. C'est con à dire. C'est con à dire. Mais c'est comme ça. J'aime une fille triste qui pleure jamais. Où je n'entends pas et je n'entends pas. J'aime une fille pâle qui me réveille quand je ne dors pas. Qui sort le soir à peur du noir. Alors j'éclaire pour qu'elle tombe pas. Et quand elle part, écrit en noir. Demain, adieu, je serai là. C'est con à dire. Demain sera pire. C'est con à dire. Mais c'est comme ça. Et ça te fait rire. Mais c'est comme ça. J'aime une fille, on pourrait dire, presque comme ça. Qui pose ailleurs, ses yeux ailleurs. Quand je regarde, toujours vers là. Qui pose d'ailleurs, ses yeux d'ailleurs. Quand je regarde, toujours vers là. C'est con à dire, je t'aime à souffrir. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Et ça te fait rire, demain sera pire. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Te voir dormir, même à mentir. Te voir partir. dire oh, c'est qu'on a dit. Et ça te fait rire, demain sera pire. Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89 Hall à Québec, avec Reynald Gagné. Là-dessus, avec Philippe Floris, c'est royal. Mais est-ce que tu fais souvent ce genre de performance-là, comme on a fait mardi, guitare-voix? Comme ça, guitare-voix? Non, c'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare. Parce que c'est très bon. Moi, j'adore. Mais si tu veux, on joue ensemble. J'essaie de privilégier avec tout le monde, avec les groupes. Et alors, à deux guitares, c'est aussi très sympa. Parce que, Mais toi, c'est le côté solitude qui t'accorde. Guitare-voix, tu trouves ça un peu... Oh, non, j'aime bien. Je suis à l'aise aussi avec ça, si tu veux. Mais d'une certaine manière, c'est un peu plus on est fou, plus on est plus on est, et on amène les copains, quoi. On amène les copains, même si c'est pas tout. Quoique tout seul, ça amène les gens à t'écouter. Aussi. Mais par exemple, deux guitares, ça marche bien, quoi, si tu veux, en acoustique. Hein, mais tout seul, c'était très sympa. J'ai passé un très bon moment et. On y retourne. et toi, dans la chanson, tu t'es inscrit dans quel. C'est très difficile pour moi de répondre à cette question. Alors aujourd'hui, je vais dire que je fais des chansons avec des textes en français. De Boris Berman. Ouais, ça c'est génial. Enfin, ça c'est fabuleux. On a parlé mardi. Et de moi aussi, oui. Si tu veux. Il y a dans le répertoire aujourd'hui, il y a toujours les chansons qu'on a pu faire avec Kira qu'on a enregistrées. Il y en a d'autres qui ont été faites avec Kira qui n'ont pas été enregistrées, mais qui font partie toujours du répertoire. On s'est revus. On s'est revus et elle est venue à un concert, elle a écouté des chansons, certaines chansons nouvelles. Et c'était très agréable. Donc c'est pas vraiment... Fini, non, mais je pense qu'on est chacun passé aussi à d'autres choses, quoi. Et au moins, il reste encore un peu d'amitié. Okay. Tout à fait. Si tu veux, on a oublié les colères et les tristesses et les peines, et ça s'est effacé. Et ce qui fait que c'était, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, en tout cas, pour moi, beaucoup de tendresse et une forme d'amour pour cette personne qu'elle est vraiment très chouette, quoi. Mais en spectacle, tu nous en parlais, mais j'aimerais que tu abordes le propos. La rencontre avec Boris Berman, elle s'est effectuée comment? Eh bien, c'est vraiment le hasard. On va attendre un peu. Voilà. En fait, je ne voulais pas souiller le passage de Boris. C'est exceptionnel. À l'époque, j'avais une attachée de presse, Sandra Campras, qui était l'attachée de presse du groupe Newton. Et Boris a écrit un ou deux textes, et très copain avec eux. Et donc, avec Arca, ils sont très copains. Et donc, il a écrit une paire de textes pour eux. Et ils ont fait un showcase. Et comme on avait la même attachée de presse, elle m'a dit viens, tu sais toujours bien de venir au showcase et tu peux rencontrer, on sait jamais. On me dit ce serait génial si t'arrivais à avoir un texte de Boris. Alors, tu te préparais à lui soumettre le projet? Même, si tu veux, je suis arrivé avec une paire de disques dans les poches en disant on verra bien, assez difficile, toujours tordu pour moi au niveau du ventre d'aller présenter comme ça, frapper une porte. J'ai énormément de mal. Ah oui, pourquoi? Ah ouais, je sais pas, c'est pas mon truc. Est-ce que c'est la gêne? Non, je crois que c'est. Il y a des gens qui savent le faire et d'autres qui savent pas le faire, et je fais partie de ceux qui savent pas le faire. Mais pourtant, tu crois à ton. Il y a des boutiques où il y a pas de travail. Ah, mais bien sûr, mais je suis capable de parler de mon travail pendant des heures devant la porte, mais j'arrive pas à frapper. Ok, ah. C'est. Toi, t'es plutôt du genre qui m'aime me suivre. Non, pas spécialement, mais j'ai du mal. C'est l'esprit d'un commercial qui va aller démarcher facilement, proposer quelque chose à quelqu'un en disant « Mais regarde, il y a ça. » Je ne l'ai pas. Par contre, je suis capable de parler ou de jouer pendant des heures. une fois que tu as cassé ce mur-là et que tu étais devant Boris, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, si tu veux, eh ben, écoute, il m'a accueilli de manière... c'était la fin du concert, je me suis présenté en lui disant en deux mots qui j'étais, chanteur... Tu t'annonces comme quoi, chanteur folk? Non, en fait, je faisais des chansons, voilà, et je lui ai donné mon disque en lui disant, voilà, ce serait fabuleux d'avoir un avis de la part de quelqu'un comme vous sur ce qui a pu être fait. Et voilà. Et puis voilà, c'était la fin du concert, t'as pas trop spécialement envie de l'embêter, quoi. Et il m'a donné sa carte en disant, appelez-moi. Voilà. Donc. C'est confirmé, non, ce mec-là, je le connais pas, donc. Non. J'ai prêt à travailler avec plein de... Bien au contraire, et donc. D'un échange par mail à un deuxième. Lui qui ne l'est pas, hein, il est pas cybernétique. Ouais, c'est pas ce qu'il préfère. Non. Et il m'avait répondu au premier en disant on prend contact, c'était en fin d'année 2014. Et puis je lui ai réécrit en début 2015. Et de manière exceptionnelle et très généreuse, bah, il a décroché son téléphone en disant « Moi, le mail, c'est pas mon truc, on prend rendez-vous. » Et donc voilà. Et j'ai pu lui proposer, donc voilà, avec joie, je me suis retrouvé face à lui. Ça a été très difficile pour moi de lui présenter ma musique. La gêne. La gêne, ouais, et puis la timidité, si tu veux, parce que bah, t'es quand même face à... C'était un monument, quoi, et c'était compliqué pour moi de... C'était, comme je te dis, frapper à la porte, c'est difficile. Là, c'était... j'ai pu parler de ma musique à plein de personnes, à de la presse, comme à un peu de télé, comme des pros, des maisons de disques ou autre. Mais là, c'était vraiment... C'était face à quelqu'un qui représente tellement de choses, qui, de par son travail, répond à tellement de ce que tu aimes, que t'es là, waouh. Et puis c'est impressionnant, quoi. Pour moi c'était impressionnant. Et donc on a pu faire connaissance un petit peu. Et pour l'anecdote, à un moment je lui demande, je lui dis mes influences musicales, tu sais, les gens que j'aime bien. Alors j'ai toujours été bercé avec les Clash ou les Stray Cats, ça n'a pas changé. I Love It, et je cite Jimmy Cliff, parce qu'au niveau de la mélodie, pour moi c'est quelque chose qui est c'est superbe. Et ça n'a pas vieilli, et les mélodies elles sont toujours pour moi très très fortes. Et là il se lève en me disant quel hasard. Et dans la platine CD, il y avait la version Vertige de l'amour par Jimmy Cliff. Donc voilà, si on croit au présage, je sais pas. Et donc je lui ai... Elle est très bonne cette version-là. Pardon ? Elle est très bonne cette version. Elle est très bonne, elle est très belle. Ouais, très belle. Et, très réussie. Très simple, très récit, ouais, moi j'aime beaucoup. Et le grain de voix n'a pas bougé. Alors la phrase vertige de l'amour est vraiment forte, si tu veux. Donc on la perd bien sûr, mais parce que le vertige, c'est impressionnant le vertige de l'amour. Mais on gagne une très très belle chanson. Et donc je lui laisse mes chansons et en me disant, et il me répond de manière très honnête, en me disant qu'il allait les écouter. Donc c'était des bandes guitare, guitare-chant correctes. Avec plusieurs guitares éventuellement et une mélodie et il me dit qu'il les écoutera et puis ben, s'il a envie d'écrire une chanson il l'écrira et sinon on va passer juste un moment sympa ensemble. C'était très fair play, je trouvais que c'était très, ben, très british entre guillemets et très généreux déjà d'avoir pu arriver là, quoi. Et je lui donne un CD. Voilà. Et lorsque tu lui remets le CD, le son devait être... Tu voulais pas finir quelque chose, tu vois qu'il... Ah bah j'avais fait quand même une belle maquette. Oui, c'est ça. Ah bah ouais, attends, j'avais fait quelque chose... Il faut le percer. J'avais fait quelque chose du mieux que je pouvais faire. Si tu veux, c'est pas juste je prends mon téléphone et je fais une guitare chant. Non, je m'étais appliqué. Tu l'accompagnais avec les... Si tu veux, il y avait un yaourt chanté avec quelques phrases qui pouvaient être en français, des idées des textes que je pouvais avoir. Et on met le CD juste pour voir en disant si ça fonctionne sur sa platine. Parce que des fois, il y a un conflit de lecture. Et il entend juste un mot en français et il dit stop, arrête ça, tu me vires ça tout de suite, je ne veux pas être influencé. Donc j'ai refait la bande son, si tu veux, la bande voix, qu'avec des yaourts. Des yaourts en sonorité anglo-saxonne, si tu veux, anglais, mais sans environ les mots français qui étaient là, parce qu'il me dit je veux pas en entendre. Voilà. Et puis voilà. Et je suis reparti en prenant mon souffle et mon trac et puis cette émotion qui avait été vachement forte de cette rencontre exceptionnelle. Et tu travailles sur une base. Complètement, complètement. Tu vas présenter ta musique, tu parles de musique avec Boris Bergman, tu n'es même pas en train de faire des chansons avec lui, tu parles juste de musique, c'est déjà que c'était chez lui, c'est là où il a composé tous les titres, oui. Et c'est le roi de ton monde. Et là, tu as juste le goût de parler à tes copains. Bah, c'est exceptionnel, quoi. Et toi, tu peux faire la comparaison entre le fait de travailler avec une littéraire et un parolier. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, parce qu'il est littéraire, il a un sens de la chanson qui est exceptionnel. Le punch? Ouais, déjà, toutes les chansons, c'est un rocker. Et les chansons, elles sont rock. Qu'elles soient un tempo cool ou un tempo speed, il y a un côté rock. Le guitariste avec qui joue, il me dit, c'est pas possible. On ne peut pas s'empêcher de rentrer dedans, de vouloir rentrer dedans sa chanson, si tu veux, quand on joue avec une des chansons de Bergman. On a envie de rentrer dedans, quoi, la gratte. On ne peut pas faire semblant, il faut y aller, quoi. Je connais cette fille, elle est blonde, assez jolie. Chemisier de soie sexy, talons aiguilles, parisis. Mais crois-moi, oh méfie-toi, tu peux sourire mais elle t'aura. Elle casse tout, elle casse tout. Tu verras comme elle s'en fout. Elle casse tout, elle casse tout. C'est moi qui paye tout. Ton adorable américaine, ton boutil en peinture en récent, frombissante de plaisir. Ne t'inquiète pas, elle va la détruire. Tu lui passes tes clés, elle ne va jamais, jamais les retrouver. Mais don't worry, c'est pas de sa faute, seulement la tienne et puis celle des autres. Elle casse tout, elle casse tout. Tu verras comme elle s'en fout. Elle casse tout, elle casse tout. Et c'est moi qui paye tout. Elle s'en fout, elle s'en fout. Elle te rendra fou, elle s'en fout, elle casse tout. Avec tout ça, tu deviens fou. Elle le laisse par terre. Dis-toi bien qu'il n'y a rien à faire. On peut vraiment pas la changer. Elle ne fait qu'une chose, c'est tout casser. Elle casse tout, elle casse tout. Tu verras comme elle s'en fout. Elle casse tout, elle casse tout. Et c'est moi qui paye tout. Elle s'en fout, elle s'en fout. Tu verras, elle te rendra fou. Elle s'en fout, elle casse tout. Mais c'est toi qui paieras tout. Ça rentre dans le dash, comme on dit. Voilà. Il n'y avait pas cette image-là avec les autres chansons. Et il a une notion de son qui est au niveau des mots, qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé la phrase en me disant qu'il n'y a pas de mots au lait, mais il y a des mots qui conviennent à telle personne et pas à d'autres. Et ça, c'est une grande force. Et le littéraire, il ne va pas avoir ce truc-là. Il va faire son texte, il va écrire sa phrase. travers son image, mais il va pas tenir en compte la sonorité vocale du gars ou la sonorité de ses instruments. Et ça là-dessus, il est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et donc, ça fait de lui quelqu'un de très riche. Oui, et de vraiment particulier, parce que dans les auteurs, si tu veux, il y a comme moi, de tous les gens que j'ai pu rencontrer qui écrivent des chansons, il y en a plein, hein, et qui font ça très très bien, et qui écrivent leurs chansons essentiellement souvent pour eux. C'est rare d'avoir quelqu'un qui écrit pour autant de personnes, avec toujours la même qualité, voire à chaque fois se surpassant un petit peu. Mais il y a plein de gens qui écrivent des chansons et qui font un super boulot, qui font un super boulot, mais qui n'ont pas cette notion, cette association, timbre vocal, capacité, musique. Il y a un ressenti, il y a un sixième sens en disant tiens, et il l'a quoi, il l'a. Il l'a. Je me suis rendu compte, on s'est rendu compte lors du mini-spectacle mardi, que lorsque tu présentes les chansons avec de l'ancien matériel avec du nouveau, ça m'amalgame très bien. Ça marche vachement bien. Bon, il n'y a pas de saut, on ne dit pas « Ah, il semble qu'il y a que… » On a souvent eu, si tu veux, en remarque, lorsque certaines personnes écoutaient notre opus, entre tes lignes, on dirait du Bachung. Ah oui? Alors c'était vachement sympa, si tu veux, alors que c'est pas du tout ça, mais on avait eu ça parce qu'on avait des images et de la musique et une mélodie qui tapait sur du qui donnait des images, si tu veux. Moi j'aime la chanson en termes d'images plus qu'en termes de texte, ensuite de mots. J'adore la photo, si tu veux. Puis en plus les nouvelles chansons de Bergman, c'est des histoires, c'est des films. Ouais, complètement. Mais comme il me disait qu'il m'avait écrit des nouvelles, mais que enfin, chaque chanson c'est une nouvelle. Et en fait on fait un recueil, quoi. Sur combien de titres actuellement? Il y en a cinq actuellement, ce qui est génial. En attends-tu d'autres ou si tu veux? Eh bien écoute, moi j'ai d'autres musiques et d'autres chansons qui sont, on va dire, d'autres playbacks. Est-ce que tu veux proposer ça à d'autres paroliers? Non? J'avais le roi du monde. Est-ce qu'il veut continuer le chemin? Ben écoute... Parce que là, il est parti en Angleterre pendant quelques temps. Oui, c'est vachement bien ça, d'ailleurs. Ouais. Il a besoin de plus d'un peu de repos et c'est chouette. Ouais. Mais je crois que c'est... ce qui est fabuleux, c'est de prendre ce qui arrive. Et au départ, il y avait une chanson, c'était exceptionnel. Après, il y en a eu deux. Aujourd'hui, on est à trois. Et une quatrième. Et puis une cinquième. En me disant, ouais, j'aime bien. Et la cinquième, elle est très jolie, quoi, aussi. Quoi. Et elle a une semaine. Donc, c'est... voilà, quoi. Et puis, s'il n'y en a pas six, ben, il n'y en a pas six. Ça a été exceptionnel d'en avoir déjà cinq. Donc, voilà, oui. Lorsque l'album a été terminé, le premier, jusqu'à la rencontre de Bergman, l'écriture s'est quand même poursuivie de ton côté, personnellement? Très peu, très très peu. Je crois que j'étais vachement en vrac. Et au niveau... J'ai eu plein d'idées, j'ai noté plein d'idées, mais et que j'ai mises de côté aujourd'hui. Mais lorsque tu as eu cette longue traversée du désert, oui. As-tu tenté de te chercher d'autres... Non, je crois pas cherché plus que ça, si tu veux, j'ai pas... En fait, on a caché avec Hera, ça va être en septembre, et j'ai dû rencontrer Boris en novembre. C'est relativement court et même s'il n'y avait rien qui était dessiné ou décidé ou prédestiné en novembre, c'est une période courte, si tu veux, entre la première chanson. Je crois que la musique, j'ai dû lui envoyer en mars, donc de septembre en mars, c'est court. Mais la partie écriture de texte, toutes mes idées, si tu veux, c'était trop... J'avais besoin de remettre en place la musique avant de me mettre en place sur le texte. Je ne peux pas me dire, tiens, je vais écrire une chanson sur une bride d'accord. Il faut que je sois plus en place musicalement. Comme je ne peux pas chanter une chanson si je ne suis pas en place au niveau de la guitare. J'ai besoin d'avoir ma partie guitare en place. Dès qu'elle est en place, je peux penser au chant. Sinon, j'y arrive pas. À travers cette courte traversée du désert, lorsque le courriel est arrivé, la rupture à travers le courriel, est-ce que tu t'es dit, Non, ça, je me suis pas posé ces questions-là. C'était tellement violent que j'en ai pris plein la tête et c'était très violent pour moi. Et si tu veux, est-ce que tu deviens violent? Ah non, non, mais ça a été violent. Si tu veux, le choc a été très violent pour moi. J'en ai, ça m'a cassé quoi. Mais j'ai pas eu envie d'arrêter de faire de la musique. C'est ce que j'y ai même pas pensé. C'était trop, le choc était trop fort. Ouais, en même temps, c'est viscéral. Tu peux pas arrêter la musique. C'est impossible. C'est comme arrêter de vivre. Voilà, ouais, j'en avais pas envie, si tu veux. Mais c'était très douloureux, très triste et très dur au niveau de cette rupture qui pour moi n'était pas. N'était pas du tout, un, attendu et deux, désiré, quoi. Est-ce que tu trouves que ta carrière va bien ou si selon toi tu voudrais que ça roule un peu plus rapidement? Ben, si tu veux, j'aimerais que ça prenne beaucoup plus d'ampleur, dans, ne serait-ce qu'au niveau de la scène. C'est vraiment là où je me sens le mieux et c'est ce que je privilégie. Mais c'est un vrai job entre faire des chansons et puis faire de la scène. Voilà, là ce qui serait vraiment génial, c'est d'arriver à pouvoir décoller avec quelqu'un qui se très professionnel, enfin. Qui nous disent, ok, tiens, tu vas jouer là. Un agent ou un tourneur, parce qu'on a eu plus d'une personne qui ont essayé de dire, bah, attends, je vais le faire, bah super, mais ça n'a jamais abouti. Donc en fin de compte, tu perds pas de temps parce que tu fais toujours des choses, mais d'une certaine façon, tu en as perdu. Est-ce que de plus en plus, ça fait quand même plusieurs années que tu fais ça? De la musique? Oh, je crois que j'ai commencé à apprendre. J'ai appris quand j'avais 13 ans. Et à jouer de la guitare, et j'ai dû jouer en groupe tout de suite. Donc si tu veux, quoi, tout de suite, dans la foulée. En fait, il y avait un côté où j'étais pendant des années intermittent du spectacle, et tu rêves et tu cherches de plein de choses, et puis donc ça m'a permis de remplir plein d'expériences professionnelles. Je le suis plus aujourd'hui, j'en suis pas mécontent. Je vis ma barque sans avoir à courir le nombre de cachets par an. Quoi. Ok, t'es plus intermittent. Non, je le suis mais plus. Mais t'as un boulot alimentaire aussi. Ouais, mais si tu veux. Est-ce que tu travailles encore pour ta mairie? Tu travaillais pour la mairie dans. Non. Ah non, okay. Non. Non. J'ai une petite société en parallèle qui est à la maison, qui fait qu'elle est en sommeil parce que en fonction des. Il y a plus de musique que de. Que, voilà, mais, est-ce que ça a un lien avec la musique? Du tout, c'est le traitement de l'eau. C'est du traitement d'eau. C'est-à-dire, tu sais, pour avoir une eau douce, pure, sans calcaire, sans filtre, etc. Tu parles de l'eau? Non, l'appareil qui va te faire. Qui va te faire un truc super, ouais, des choses comme ça. Et je m'en occupe, elle existe, j'ai jamais voulu la fermer quand l'activité a chuté et puis que j'étais plus sur la musique, ne serait-ce que pour garantir un service après-vente aux rares personnes avec qui j'avais un. Est-ce que c'est toi qui l'as inventé? Ah non, non, non, okay. C'est à moi si tu veux, okay. Mais c'est moi qui j'utilise du matériel qui a été créé par d'autres personnes. Et donc j'ai ça à la maison, si de temps en temps y a quelqu'un qui a envie de modifier sa flotte, ouais, je reprends ma casquette voilà, mais sinon. Mais toi, tu fais plus vraiment. Je ne démarche pas ce truc-là. Et puis comme je te disais, j'ai du mal à faire frapper aux portes d'un point de vue commercial. Alors au niveau d'une vraie société, j'ai vachement de mal. J'ai capable de te parler de traitement de qualité d'eau pendant un peu de temps, mais ne serait-ce que pour accompagner les glaçons et n'importe quelle boisson, ou le café, ou le thé. Mais c'est pas mon truc, je suis pas un vendeur, je suis pas commercial, c'est pas mon truc. Mais est-ce que tu arrives à gagner ta vie avec tout ça? Eh ben écoute, on va dire que ça pourrait être vachement mieux, ouais. Mais que d'un autre côté, ça marche quoi. Ça marche, alors je suis propriétaire de ma maison, j'ai vécu dans un endroit où il y a très peu de frais, donc en Champagne c'est cool, à ce niveau-là, ça n'a pas besoin de... Champignons Non, je crois pas, non, je crois pas. Parce que je suis allé faire des vendanges à Champignons, ouais. En 89. Oui, on était courageux. Ah non, mais c'est quel très beau souvenir, hein. Ouais. Sans fin. fin n'existe pas. Quoi que tu puisses faire, il ne revient pas. Tu peux essayer de tout arrêter et changer ta journée pour délirer. Funny day, funny day, lovely funny day. Le jour suivant se présentera. Si t'as rien fait, tu le regretteras. Il suffira simplement de tout aimer pour transformer ta journée en funny day. Tu pourras courir, nager, voler, surfer, oublier le travail inachevé, trouver le temps pour se parler, se regarder, du temps à s'aimer, lovely funny day. Lumière artificielle du sous-sol, décor où la musique est belle, chaleur corporelle, tes caresses m'entraînent sur une danse irréelle. Le temps interrompu, nos baisers l'ont vaincu, l'horloge a disparu. L'espace nous laisse la place, que lui soit rendu grâce. Le jour enfin s'annulera, passant les heures à jouer dans les draps, car profiter on recommencera. Tu aimes trop ça, on le sait, toi et moi. Lovely funny day, funny day, lovely, lovely funny day. Le jour sans fin n'existe pas. Quoi que tu puisses faire, il ne revient pas. Mais délirer, s'aimer a tout changé. Le temps est arrêté, lovely, lovely funny day. Ah bah festif, oui, bah avec le champagne, t'es obligé d'être festif. Hein. J'ai vu aussi des spectacles que tu fais là-bas, t'es costumé, t'es... Ah bah alors, ça c'était pour un... Alors le carnaval, okay. Alors, c'était génial. Alors, oui, bah, si tu veux en parler, c'est pas bien. C'était pour les enfants, okay. Si tu veux, donc dans l'île de Provins. Ils font un défilé carnaval et le problème, c'est que les maternelles, elles peuvent pas avancer aussi vite que les autres qui veulent faire le grand tour avec, pour montrer leur costume. Donc, ils savaient pas quoi faire des maternelles. En attendant que les gamins arrivent. Donc ils m'ont demandé de faire une chanson, de faire une animation musicale pour les maternelles. Avec ton groupe. Avec, bah oui, on emmène tout le monde si tu veux. À chaque fois, on embarque tous les copains. Donc alors on regarde un peu les chansons de carnaval, j'aurais demandé qu'est-ce qu'ils voulaient comme chanson ou quoi que ce soit. On cherche un petit peu. Et il y a une chanson, tu sais, Carnaval, Mardi Gras, Carnaval de Québec, Mardi Gras, voilà. Donc on a pris ça. Voilà. Alors on a pris cette chanson-là. Tu l'as trouvé sur Internet ? Ouais, je l'ai trouvé sur Internet. Donc j'avais la chanson avec lui. Ouais, elle est géniale. Et donc il y a eu une version qui a été faite par des artistes plus récemment que la version de départ, si tu veux. Par les Québécois, un peu reggae. Avec un peu chaloupé, si tu veux. Et je me dis, oh, ça c'est génial. Donc on a pris cette version-là. On a foutu, au lieu que ce soit à Québec, c'est tout un festival, bah, c'était à Provins. À Provins, c'est tout un festival. Mais est-ce que tu l'as sur disque ? Est-ce que je peux le diffuser ? Oh, bah, je te l'enverrai. Ah oui, je te l'enverrai parce que j'ai une démo de ça. Okay. Et, Alors en même temps, il fallait une chanson qu'ils connaissaient un petit peu, donc on a pris Santiano, si tu veux, parce que les gamins la connaissaient, la difficulté c'était ça. On s'était mis avec, en accord avec toutes les écoles, j'avais mis un playback sur le site, toutes les chansons, la chanson pour qu'ils puissent travailler, apprendre les paroles, et ci et ça. Et en même temps, sur la chanson Funny Day, là, celle le jour sans fin de la chanson du disque, j'ai changé, au lieu de faire Lovely Lovely Day, Lovely Funny Day, on a fait Lovely comme un mal. Et là par contre j'ai changé toutes les paroles, j'ai refait un texte pour les costumes. Je savais qu'on avait défini avec la mairie qu'il y avait des thèmes de couleurs, des ci, des ça, donc le rouge lève le bras, et ainsi de suite. Et donc voilà, et puis pour mettre du fun, on s'est déguisé. Donc on s'est déguisé en pseudo-pirate et on s'est vachement marré quoi. Et mine de rien, tu joues devant 2000 personnes quoi. Parce qu'il y avait plus de 2000 gamins avec les accompagneurs, les ci et ça. Et tu sais que tu l'as fait durer, Mardi Gras Carnaval. Et bien on l'a fait durer, on l'a refait deux fois, parce que le temps que tout le monde passe, et puis tout le monde s'arrêtait, ça dansait, ça chantait. On s'est vraiment marré, c'était très très sympa ça. Ah, c'est bien. Et puis c'est une manière de faire le con. Est-ce que tu fais ça souvent, des événements le maximum, ouais, dès qu'on peut, on y va, quoi. Moi, j'aime bien ça, puis travailler avec une mairie sur des projets pareils, parce que t'as toujours une structure qui est vachement qui est agréable. On a fait un concert pour le Téléthon aussi l'année dernière. Pour les enfants ? Non, c'était pour tout le monde. Et là, en fait, on avait fait une liste de 100 morceaux à jouer. Et chacun choisissait sa liste, il mettait une pièce et puis on la jouait. Oh. Alors c'était assez rigolo. Il fallait les connaître, les chansons. Alors il y a plus de pratique. Tu sais, j'ai fait pas mal de bal. Oui. Et donc le répertoire, tu l'as quoi, au bout d'un moment. Quoi. Donc, et puis tout le monde a. Tout le monde. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis de toute façon, nos concerts, ils sont festifs. Tout le monde ressort avec le sourire et on se marre. Ouais. Même si on tourne avec vachement de compos, quoi. Parce que c'est quand même une écriture très poétique. Ce que tu fais, toi, en solo, ben pas en solo, mais avec tes albums, c'est quelque chose de... Oui. C'est pas du Manon Negra, c'est pas du... Non, du tout. Si tu me demandais pour décrire mes chansons, je dirais qu'aujourd'hui, c'est des chansons qui sont donc écrites en français, mais avec un son rockabilly, blues, je dirais ça. Tu vois, je le dirais comme ça. Parce qu'au niveau des guitares, c'est quand même ce genre de son que j'ai. Au niveau du son blues, même si j'estime pas être un guitariste de blues, mais mon pote Nono, lui, il l'est. Et Philippe, c'est un excellent batteur de blues. Un excellent batteur même tout court. Voilà, je les dirais comme ça. Ce sont des chansons, parce que le côté dire pop-rock, c'est trop restrictif. Moi, j'y arrive pas, il y a tellement de choses. Il n'y a pas de synthé, si tu veux, dans le pop-rock, tu peux avoir vachement de synthé. Est-ce que tu veux éventuellement passer ? Alors, il y a plein de chansons où il y a des... où aujourd'hui, quand je les entends, là, je me dis, tiens, on pourrait mettre ça, on pourrait mettre de or, cuivre, violon, de cordes. C'est pour ça que le boulot d'un arrangeur, va, au bout d'un moment, va avoir sa place, quoi. Pour pouvoir donner une couleur plus riche et à mon avis peut-être plus riche pour l'album. As-tu une visée de la sortie de cet album-là ? Aucune idée. Non, pour l'instant on avance au coup. Mais tu sais qu'il va sortir ? Ah, je ferai tout court de toute façon parce que les chansons sont jolies et j'ai envie de les avoir en disque. Mais est-ce que tu as des projets de spectacle, quelque chose qui s'ouvre à toi ou tu es encore en mode attente et... Alors je suis toujours en mode d'attente, par contre on a quelque chose qui s'affirme de plus en plus si tu veux, le fait de travailler autrement, de réfléchir plus sur... Il y a un côté affirmé qui est beaucoup plus présent aujourd'hui qu'il ne l'était il y a deux ans, trois ans. Je suis sur quelque chose qui, au niveau de l'ordre des morceaux, du choix des titres, de l'attitude à avoir sur de musical, si tu veux, il y a quelque chose qui est beaucoup plus affirmé aujourd'hui pour moi. Est-ce que toutes tes chansons sont prêtes à être en disque? Ou s'il reste encore Il reste encore de la place? Sur le disque. Ah, il reste plein de place encore sur le disque si tu veux. Après, parce que le souci c'est que moi j'en ai quelques-unes. J'en ai une par exemple qui s'appelle Autre chose à faire ce soir. L'histoire c'est j'avais écrit ça il y a quelques années devant l'école où j'avais mon gamin avait oublié un sac et puis la chanson elle tournait dans la tête et je lui ai écrit juste devant. Pendant qu'il était parti chercher son sac. Voilà, donc si tu veux, dans la voiture. lorsque tu te mets à écrire, est-ce que ça prend du temps? C'était instantané, un peu comme un flash. Ouais, c'est, ça serait, on va dire que je vais avoir du temps, si tu, ça va tourner dans ma tête. Ça va, je vais avoir les images qui vont se mettre en place et au bout d'un moment, ça va sortir. Ouais. Et, voilà. Et ça, par contre, je ne le contrôle pas. Je ne vais pas spécialement le contrôler. Je peux travailler, on peut me dire, tiens, on va travailler un peu, pas me donner 3 heures d'écriture le matin, c'est pas ça, mais travailler, me remettre dans une ambiance musicale et de travail, et de réfléchir. Et en même temps, on est toujours en train de réfléchir, on arrête jamais vraiment. Et, mais par contre, s'il y a un jet qui arrive, il arrive, quoi. Alors, tu es prêt à capter tout, mais tu es prêt aussi à recracher. Si tu veux, ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Et musicalement, si tu, dès que j'ai une idée, par contre, d'une manière autant comme un texte, je vais l'écrire tout de suite. Mais je suis plus un compositeur qu'un auteur, hein. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. À Lille, lorsque tu étais en vacances pendant quelques jours, 35-6 personnes, et les évaluations. Oui. Et c'est là qu'elle creuse justement. Es-tu réceptif, t'es là, parce que t'avais mis ta guitare. Vu le fait que tu avais fait un mini-spectacle, ouais. As-tu gratifié, as-tu cherché des accords, est-ce que c'est passé quelque chose? Ben là, si tu veux... j'ai la dernière chanson qui a une semaine, ouais. Donc je focus que là-dessus, quoi. Alors elle est, c'était juste ça, là. Et voilà, elle est là, si tu veux, je l'ai enregistrée l'autre jour pour commencer à mettre en place un petit peu, à travailler le phrasé, parce que maintenant il faut que j'aille la représenter à Boris. Et ce qui fait que ça fait... Elle a une semaine, et j'ai que ça en tête. Est-ce que c'est un beau bébé ou... Ah oui? Ah oui, c'est un beau bébé. Ouais. Tu l'as chanté à ta fille? Je lui ai fait écouter, ouais. C'est de tu ne l'as pas chanté en direct devant elle? Non, je lui ai fait écouter avec la petite bande. Mon fils, c'est celle qu'il préfère, de toutes celles qu'on a pu écrire. Il me dit, oh, c'est Ouais, des 5, ouais, c'est celle qu'il préfère. En fait, il a 18 ans. Et puis elle a une façon de... Et il me dit, waouh, elle est géniale, quoi. Et il m'a fait Quel est son style musical? Ah oui, la dernière fois, tu m'as dit que tu l'accompagnais lors des spectacles rock'n'roll. Tu te rappelles? Il y a 2 ans, tu me dis, ouais, je vais voir d'autres groupes, Wish Over et tout, j'accompagne mon fils. Ah bah oui, alors lui, aujourd'hui, il va écouter. Je sais pas si c'est encore la même chose. Bon, il préfère maintenant aller au concert, ils vont au concert tout seul, il a son permis. Non, mais à 16 ans, tu l'accompagnes. Mais à 16 ans, je l'accompagne au concert, ouais, bah, je trouve que c'est génial, quoi. Et puis, alors il y a certains groupes que j'aime. Pas spécialement. Il écoute aussi du rap si tu veux. Et moi j'arrive pas à rentrer dedans. Chose que boire. Je me rappelle pas comment on y est monté. À peine le temps de s'accorder que les filles ont voulu danser. On n'allait pas les contrarier, plutôt les encourager. Les regarder danser, ça nous a toujours branchés. On s'est mis à jouer, ça s'est mis à danser. Nous pensons que ce soir on n'aurait pas fait autre chose que boire. Pourtant, on s'en a bien menti. Oh, ça s'est mis à danser. Nous qui ce soir avions gardé peu d'espoir. Avec quelle chanson allions-nous continuer? Quand le temps a répété, on ne pouvait pas improviser. Au batteur ou au saxophone, mettre à souffler. Regarde celle-ci, elle a son t-shirt mouillé. Là c'est le pointeur de Coruscant. soirée est finie, les filles reparties. Toute la super tournée, on ne s'est jamais planté. Allez, vous nous croire et nous offrir à boire. On s'en fiche, on les a vus danser et on en a même embrassé. On s'est mis à jouer, ça s'est mis à swinguer. Nous qui ce soir avions gardé peu d'espoir, pourtant on en a embrassé. Oh, c'est bien balancé. Nous qui ce soir avons fait autre chose que boire. Voilà. Et là sur scène on fait. Ben oui. Et ça nous fait One for the party in the county jail. Et ainsi de suite. Et ça enchaîne avec une autre. Voilà, voilà. Donc ça c'était rigolo. Autre chose à faire ce soir. Ça c'était un peu ancien. Qu'est-ce que je pourrais te faire de sympa? On a un truc qui s'appelle une chanson qui s'appelle Aquaterra. Et au départ, quand elle a été écrite avec Chiara, c'est pas de Boris. Et quand elle m'a envoyé le texte, moi quand j'ai lu le texte, pour moi on était dans une caverne maya. Tu sais, dans Amérique du Sud, Cordillère des Andes, le recoin pas possible. Et j'étais là-dedans, en fait, compte. Et pour elle, quand elle a écrit le texte, on était dans une boîte de tatouage rue de Lapin. Donc on était quand même à deux mondes complètement différents. Et ça nous a fait un truc comme ça qui s'appelle donc Aquaterra. Virer l'espace entre elle et moi, je la respire fière, secrète, son serpent au bout du bras. Elle me demande si je le veux, moi bêtement ne réponds pas. M'impressionne et me transperce, son serpent descend très bas. Elle me demande si je le veux, son regard me tatoue déjà. Se moque, sourit un peu, me dit Black Life, oui pourquoi pas. Elle broie du bleu, elle broie du noir, un bleu cobalt comme son cobra. Elle peut... Je suis désolé. Un bleu de blanc aquatera. Elle a cueilli la lumière quand elle s'est penchée vers moi. Ses longs cheveux guérissent ma chair, le fus enseigne en bleu maya. Je deviens fou face au serpent, je le défie prêt au combat. Où le cache-t-elle exactement, en terre humide incognita. Elle broie du bleu, elle broie du noir, un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu, un bleu troublant à quoi t'es là. Elle broie du bleu, elle broie du noir, un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu, un bleu troublant à quoi t'es là. Elle me dit je ferme la fenêtre, le bleu du ciel je ne l'aime pas. Et me dessine en aquarelle le dernier fils de son cobra. Elle broie du bleu, elle broie du noir, un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu, un bleu tout blanc à quoi t'es là. Elle broie du bleu, elle broie du noir, un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu, un bleu tout blanc à quoi t'es là. Ça m'a fait marrer quand il a mis le truc de... Et puis après le petit bouchon, ça m'a déconcentré complètement quoi. Mais c'est la beauté du direct et de la chanson comme ça en plein air. Ah ouais, c'est clair. Tout peut arriver. Il n'y a pas de filet, c'est sans filet. Qu'est-ce que je pourrais te chanter d'autre? Tu veux que je te refasse une des chansons de Boris? Oui. Laquelle que tu as une envie, un peu plus grande, tu t'en fiches? Je m'en fiche pas, c'est selon ce que tu veux proposer. Isabelle Taïnangui. Dimanche et lundi. Dimanche et lundi, tu veux? Ouais. Alors, donc, une chanson souvent, parfois tu peux, lorsque tu es après rupture, tu revois les scènes de ce que tu pouvais faire avec telle personne et tu l'imagines en train de monter dans sa voiture, de descendre, de faire ses courses, hein, tu fais son film, quoi. Et en fin de compte, donc, le mec se fait son film tout seul dans sa voiture, il filme, et, donc, en imaginant aussi bien sûr avec son enfant. Et ça s'appelle Dimanche et lundi. Pardon. Demain lundi, je te vois devant l'école. Tu lui dis à ce soir. Tu redresses son col, tu renoues ses lacets. Quand elle te parle de moi, tu souris un peu pourtant. Tu ne réponds pas, c'est dimanche et tu l'aides à finir ses devoirs. Tu lui dis que papa n'est pas, ne sera pas là ce soir. C'est dimanche, tu te laisses couler dans le sofa. Cherches-tu encore ma main? Déjà lundi soir, et le retour de la pluie, il est encore en retard. Tu t'es mise à l'abri, tu comptes les secondes qui sont des heures pour moi. Je vais pas en faire un monde. C'est bien comme ça, c'est dimanche et tu l'aides à finir ses devoirs. Tu lui dis que papa ne sera pas là ce soir. C'est dimanche, tu te laisses couler dans le sofa. Cherches-tu encore ma main? Je suppose que tu n'as pas vraiment changé. Mais moi de mon côté, bien sûr j'abandonne, et comme toujours, je touche le sol. Je fais marche arrière, à deux pas du manège. Il est bientôt 5 heures, il tombe un peu de neige. C'est dimanche, tu l'aides à finir ses devoirs. Tu lui dis que papa ne sera pas là ce soir. C'est dimanche, tu te laisses couler dans le sofa. Cherches-tu encore ma main? C'est dimanche, tu l'aides à finir ses devoirs. Tu lui dis que papa ne sera pas là ce soir. C'est dimanche, tu te laisses couler dans le sofa. Cherches-tu encore ma main? J'ai simplifié les breaks, les passages chorus. Parce que les passages solo instrumentales, si tu veux, c'est bien quand on a la réponse avec un slide, parce qu'il y a du slide dessus ou les solos de guitare. À la fin, tu vois, on termine « Cherches-tu encore ma main ?» Et là, la musique prend toute la place du texte avec le… Il y a une guitare qui part, vachement, vachement agressif, qui crie la tristesse, la détresse, la batterie qui rentre dedans, et puis pour terminer après. Un peu plus ralenti. Avec un peu de slide, avec des choses comme ça. Donc voilà, tout seul, comme toi tout à l'heure, les solos de guitare et les amplis. C'est ça. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL NF, le 89 Hall à Québec, avec Rénald Gagné. Spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance Rinaldienne. Merci l'artiste. Chers amis, si... si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois.